ma meuse se baigne. Allez, je les gueux, je se perds. Un cœur de pierre, moi je me sens bien avec mon meuf, je te zède. On respecte pas leurs lois, ils ont qu'à s'adapter aux nôtres. La liberté d'expression, c'est finir tabasser au poste. Je fais crafaler au chrome, j'ai la dalle et l'acidité. Choisissent tous la facilité, je vais leur faire avaler nos proses. Une fois que je démarre, moi je peux pas m'arrêter. Je suis faillage, j'esquive les stars entre deux tags à essai. Nique tous ces pattes adressées qui tentent la patte quand je pose. Il me faut du caviar cet été, marque mes pattes sans sauce. Poto demande à Gary, on a des drôles de manie. On voit les nuits au commis comme un album de famille. Je déteste ces ports de sales flics, des potes sont morts de leur faute. C'est toute l'année qu'on cogite, on fait des sortes de burn-out. Comment veux-tu qu'on s'épanouisse, on nous a brouillé la vue. C'est dans la def qu'on s'évanouit, histoire de toucher la lune. Capuché pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. Je suis doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards. Bûcher pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. J'suis pas doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Envie de mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards. Si tu comptes me descendre, un conseil vise la tête. Laisse pas traîner ton fils avant que le vice l'atteigne. J'veux pas d'une vie misérable, de triche et vide la tienne. Encore un 16 qui parle normal si j'vide la tête. J'ai fait des erreurs, j'ai appris à vivre avec. Combien de salopes t'aimes pour l'argent puis de vivre après. T'étais cramé quand on baisse les vides à sec. On m'a dit enculé tous, baisse les vides à sec. La route est longue et parsemée d'embûches. On se disait inséparable, on finit par s'aimer sans plus. J'ai taffé les trash, suffit pas de savoir faire de l'être. J'suis resté le même, vandale et fier de l'être. Mes roses baissent trop sous coke. Commettre des meurtres pèse la raison comme Roberto Succo. Pense que bédave t'es fade mais ça t'emporte tout. Même les taxes effacent, y'a un temps pour tout. Capuché pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. J'suis pas doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Envie de mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards. Capuché pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. J'suis pas doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Envie de mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards. Élevé au passé que moi j'en ai marre de la dèche. Je veux devenir riche, autant viser une mouche avec un arc à flèche. Serre-moi à Jack Daniel et sors un fat sa mère. Ou même un Black Label avant qu'on fasse la guerre. Je succomberai pas dans un monde où les plus qu'on débatte. Y'aura du lourd sous ce qu'on prépare, on trouve ta fête quand on débat. Chacun sa mère te raconte des pas. Tournez ma veste ni comptez pas. Major en l'air les qu'on dépasse. Place les bénéfices sur comptez pas. Dans ce nitra passe, moi c'est qu'on micra app. Y'a v'là les plans cramés. Quand je suis rabat, j'suis plus sourd qui me rabat. Et vas-y, cesse tes menaces, le cesse tes menaces. J'ai d'autres soucis en tant que chef de ménage. J'm'en fous pas mal de choses, poto même des gens qui jactent. Rancunier, j'avoue que la fierté m'handicape. Là j'suis perché sur ma branche, j'suis venu fournir qualité. J'me rappelle des blessures d'avant, elles sont toutes cicatrisées. Capuché pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. J'suis pas doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Envie de mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards. Capuché pour le vandal, bienvenue à Toxicity. Alors où même un gosse qui dit, je suis buté pour le fantasme. J'suis pas doué pour le chantage, je préfère une prodigie. Envie de mettre un coup de crossfit dans la foulée de tous ces vantards.